France Inter. À portée de voix. À la maison, en voiture ou sur votre téléphone. France Inter arrive sur les assistants vocaux. Les dossiers les plus passionnants d'affaires sensibles. Oli et ses histoires pour les enfants. Vos émissions en direct. Le meilleur de France Inter est désormais à portée de voix. Toutes les infos sur franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, à l'occasion du 30e anniversaire de la sanglante répression de la place Tiananmen, retour sur cet événement qui reste tabou en Chine. L'intervention de l'armée le 4 juin 1989 contre les milliers d'étudiants rassemblés sur la place pour réclamer entre autres liberté d'expression et droit de manifester n'a fait l'objet à ce jour d'aucun bilan officiel de la part de Pékin, mais certaines ONG parlent de plusieurs milliers de morts. C'est assurément l'affaire la plus sensible de l'histoire de la Chine contemporaine, le mouvement social le plus important de l'après-révolution culturelle. C'était donc il y a 30 ans. Cette année-là, dans plusieurs pays du monde, l'histoire hésite à changer de route. En Europe, le mur n'est pas encore tombé, mais ce n'est plus qu'une question de mois. Depuis l'arrivée de Gorbatchev, l'Union soviétique n'a plus tout à fait le même visage. Alors, en Chine également, le peuple espère des réformes. Dans les années 80, Deng Xiaoping a engagé son pays dans de profondes réformes économiques sans toucher au caractère totalitaire du régime. C'est le choix inverse de celui de Gorbatchev en Union soviétique. Et c'est ce modèle-là qui l'a emporté en Chine, tuant l'espoir démocratique qui s'était exprimé place Tiananmen. Notre invité aujourd'hui, Pierre Aski, éditorialiste à France Inter. Chaque matin à 8h15, c'est le rendez-vous géopolitique, cofondateur du site Rue 89 et président de Reporters sans frontières. Et surtout, et il est là, escalité, auteur du livre intitulé « Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Juin 1989, Pékin. Ce matin-là, aux abords de la place Tiananmen, on n'entend plus que les convulsions sporadiques du massacre de la veille qui a mis fin dans le sang aux manifestations des étudiants. Quelques rafales de balles au loin, et puis le grondement du moteur des chars. Peu après-midi, à l'hôtel Beijing, où la plupart des journalistes du monde entier ont trouvé refuge, le caméraman de CNN, Jonathan Sher, tourne. Il filme le départ d'une colonne de chars qui s'engouffre sur l'avenue Chang'an. Pour obtenir un plan d'ensemble, il dézoome. Et là, à gauche du cadre, un homme venu d'on ne sait où apparaît. L'inconnu, chemise blanche et chevelure brune, est au milieu de l'avenue, inflexible. Canon droit devant, le premier tank stoppe sa course. Et puis l'un après l'autre, les tanks s'arrêtent. Face à eux, d'un geste brusque et léger, avec l'un des sacs plastiques qu'il tient dans une main, l'inconnu fait signe au char de rebrousser chemin. Le conducteur du blindé tente bien de le contourner, mais l'homme refuse de quitter l'axe des chenilles. Quelques pas chassés à gauche, puis à droite. Sur le balcon de l'hôtel Beijing, les journalistes sont abasourdis devant cette scène. En bas de l'avenue, la foule applaudit l'audacieux et sursaute à chacun de ses gestes. Devant eux, en effet, un petit homme sans armes tient tête à une colonne de chars. Après quelques secondes d'attente, l'homme monte sur le devant du char. À la hâte, il cherche une ouverture. Il passe le corps d'un côté et de l'autre de la base des canons, puis s'agenouille sur le toit. Rien. La machine gronde, mais aucune âme ne semble s'y cacher. Quand il quitte le char, une tête sort enfin. Quelques mots sont échangés, où la discussion ne dure qu'un instant. L'inconnu semble abasourdi, comme absent au milieu de l'avenue. Prend-il seulement conscience de l'acte fou qu'il vient de commettre ? Soudain, le char sort de sa torpeur et redémarre. Instinctivement, l'homme le dépasse, puis se replace devant le canon. De nouveau, les engins s'arrêtent. Sur l'avenue, un nouvel homme à vélo surgit, et puis deux hommes à pied s'approchent. L'un saisit le bras de l'audacieux, l'autre le pousse vers le côté de l'avenue. L'inconnu sort du champ et devient l'un des absents les plus recherchés de l'histoire. On n'a jamais su quel était le nom, l'âge et l'histoire de cet homme. On ne connaîtra peut-être jamais les instants qui ont suivi ce face-à-face. Mais cette scène, vous l'avez tous en tête, tant elle fait partie des clichés iconiques de cette année 1989. En plus de ce caméraman, ils ont été 4 photoreporters à enregistrer sur pellicule la silhouette de cet homme face au tank. Depuis cette date, à chaque fois qu'on évoque les événements de Tiananmen, c'est à cette image qu'on pense. Elle a marqué notre imaginaire comme celui des Chinois en lutte. Chai Ling, une figure du mouvement qu'on surnommait la passionnariat de Tiananmen, disait en 1997 à la journaliste du Monde Annick Cogent qu'aucune image n'a capturé avec autant d'acuité l'esprit de notre mouvement. Tiananmen, c'était exactement cela. Elle nous représente tous, avec nos mains liées, notre sincérité, notre résolution et notre pacifisme. Ce 5 juin 1989, Chai Ling avait déjà quitté la place. Elle découvre cette image dans une cachette de fortune, non pas à la une d'un journal occidental, mais à la télé, sur une chaîne du pouvoir chinois qu'il utilisait pour prouver la clémence des autorités. Les images ont parfois plusieurs sens, plusieurs vies. Ce 5 juin, cet inconnu était seul sur cette avenue, alors que pendant des semaines, ils ont été des centaines de milliers à se dresser face au pouvoir à Pékin et ailleurs. Devant les objectifs des journalistes, le char a tenté d'éviter l'homme, oui, mais la veille. Dans la nuit du 3 au 4 juin, ils ont été des dizaines à rouler sur les corps de centaines d'autres hommes dont, pour la majorité, on ne connaît ni le nom, ni l'âge, ni l'histoire. Alors, que s'est-il passé avant ce 5 juin 1989 ? Pourquoi encore aujourd'hui le pouvoir chinois refuse-t-il de reconnaître les massacres de Tiananmen ? Tout commence le 15 avril 1989 par l'annonce d'un décès. À l'étranger encore, mort à Pékin de M. Yao Bang, ancien secrétaire général du Parti communiste chinois de 80 à 87, que l'on voit là en compagnie de M. Mitterrand. Il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 74 ans. Défenseur des réformes économiques, il avait été écarté du pouvoir à la suite des manifestations étudiantes de la fin de l'année 1986 à Pékin. Treize ans plus tôt, en 1976, c'était la mort de Mao Tse-tung qui faisait basculer la Chine vers l'inconnu. En quelques mois, les successeurs désignés du grand timonier étaient écartés du pouvoir par ceux qu'on désignait alors comme réformistes, dont Deng Xiaoping. Derrière ce nom, un tournant historique pour la Chine, celui du rejet des dogmes économiques marxistes avec la mise en place des 4 modernisations. En quelques années, l'empire du milieu change de dimension et de philosophie. Chaque année, entre 1978 et 1988, le produit national brut augmente en moyenne de 8%. Un miracle, renversant et bouleversant pour toute une partie de la population. Dans les campagnes, c'est tout l'édifice social qui est modifié. Avec la décollectivisation des terres, beaucoup de paysans n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. En ville, c'est l'inflation à 2 chiffres qui fragilise les habitants. Un tiers des ménages voient leur pouvoir d'achat diminuer. Peu à peu, les disparités augmentent, comme les incertitudes face à l'avenir. Et puis, une modernisation a été oubliée par le pouvoir, la 5e, celle du système politique. Si Deng Xiaoping fait preuve d'un pragmatisme économique évident, le nouvel homme fort de la Chine reste un dogmatique en matière politique. Dans les hautes sphères du pouvoir, 2 tendances s'opposent, les vétérans de la révolution et les libéraux. Parmi eux, Hu Yaobang. Quand le 15 avril 1989, on annonce sa mort, pour une partie de la jeunesse chinoise, c'est un espoir qui s'éteint. Ce jour-là, sur les murs des campus, on voit fleurir des textes, des tribunes en forme d'hommage qui s'accompagnent assez vite d'appels au rassemblement. Des premiers groupes étudiants investissent les rues de Pékin, puis la place Tiananmen. Tiananmen est la plus grande place du pays. Symbole du pouvoir et de l'histoire de la Chine, elle est aussi un lieu où s'inscrit la mémoire estudiantine. En 1919, le 4 mai, c'est ici en effet que des milliers d'étudiants et d'intellectuels y ont manifesté contre les ambitions coloniales du Japon. 70 ans plus tard, comme un réflexe vers cette place que les cortèges funèbres se dirigent et déposent sur le monument des héros du peuple, une banderole blanche en l'honneur de Hu Yaobang, où l'on peut lire « L'esprit de la Chine ». Première pierre du mouvement, première liberté prise face au pouvoir, premier risque. Le lendemain, venu de toutes les universités, les cortèges se forment et prennent le chemin de la place. À chaque arrivée, des applaudissements et des éclats de voix, notamment quand les étudiants en beaux-arts arrivent avec un portrait géant de Hu Yaobang. De l'audace, encore de l'audace, disait Danton. La jeunesse chinoise en est débordante en ce mois d'avril. Elle honore un disgracié et accuse les puissants de corruption. À la veille des funérailles officielles, 200 000 personnes bravent l'interdit de circuler sur la place. Durant toute la nuit, les slogans se marient avec les paroles de l'International. Ils sont assis sur les carreaux de ciment, dos à dos, c'est qu'à le dire, dans l'Union. Première nuit de lutte. À 10 heures, les funérailles commencent. Deux Chines se font face. Face à face, de part et d'autre des colonnes du Palais du Peuple, deux Chines s'affrontent. À Badeng, celui qui avait limogé Hu Yaobang aura pu lui-même entendre la jeunesse réclamer son départ. Dans l'éloge funèbre, pas un mot de réhabilitation politique comme le demandaient depuis 6 jours les étudiants. Pendant plusieurs jours, le gouvernement surveille mais n'agit pas. Certes, les soldats et les policiers repoussent les étudiants trop aventureux. Certains d'entre eux sont arrêtés, mais le pouvoir reste discret. Il faut attendre le 26 avril, 2 jours après une manifestation monstre qui a réuni près d'un demi-million de personnes pour que le gouvernement sorte de sa torpeur. Ce jour-là, le quotidien du peuple publie un éditorial reprenant les grandes lignes d'un discours de Deng Xiaoping dans lequel il qualifie les manifestants d'ennemis du parti. Qu'importe, après 10 jours de mobilisation, les étudiants n'ont peur ni de lui, ni de l'armée. Et Tiananmen se remplit de nouveau. Ainsi, jour après jour, la révolte se déploie, comme le raconte le journaliste français Léon Timot pour France Inter. J'ai vu tout à l'heure cette scène inouïe au bord du périphérique dans le quartier des facs. Des centaines de gens descendaient de leurs vélos et tendaient l'oreille pour écouter au-dessus des bruits des camions des étudiants de l'école normale leur expliquer le sens de leur manif de la veille. Par ailleurs, les universités de Pékin ont toutes voté pour demain la grève illimitée. Une grève qui, quoique inscrite dans la Constitution, est réprimée en pratique. Enfin, à cette même école normale, j'ai vu un poster caricaturant irrespectueusement le Premier ministre Li Peng en cochon et l'agence Chine Nouvelle en chien paralytique véhiculant la voix de son maître. Un geste d'une audace inouïe qui eût été impensable fût-ce il y a une semaine. Dans les universités comme sur la place Tiananmen, les étudiants mettent en place des ateliers d'imprimerie éphémère. Certains découvrent l'encre au bout des doigts, d'autres passent d'une université à l'autre avec des micros. Ils lisent les comptes rendus des assemblées, les articles de journaux éphémères et ils diffusent les enregistrements dans d'autres lieux. Informer, débattre, écrire, c'est aussi cela la démocratie. Au début du mois de mai, ce sont les professionnels de l'information, journalistes du monde entier, qui s'aventurent dans les amphithéâtres des universités pour collecter les paroles. Ainsi, en France, on découvre les espoirs de cette jeune fille. Je crois que les étudiants chinois, maintenant, se réveillent. C'est aussi la première fois que les étudiants n'osent se révolter contre la corruption publiquement. Est-ce que ça veut dire que les étudiants se sentent très forts en ce moment en Chine ? Pas forcément. Ils croient qu'ils ont le droit d'exprimer leurs idées au gouvernement. Et au public. Sous la plume des correspondants, on découvre le profil de ces jeunes apprentis de la démocratie. Comme dans chaque mouvement, certains sortent du lot. Parmi eux, Wang Dan. Il a la mèche brune, des lunettes qui le vieillissent un peu, il n'a pourtant que 20 ans. Jeune, il n'a pas le défaut de la fougue. Face aux journalistes étrangers, il évite les pièges, reste calme, appelle à l'ouverture des discussions. Chai Ling, elle, est passionnée, brillante. C'est une jeune femme de 23 ans que les journalistes qualifient vite de passionnariat chinoise, tant sa voix porte la passion et l'énergie d'un espoir naissant. Au début du mois de mai, après 3 semaines de mobilisation, chaque camp joue la montre. Mais les étudiants ont un avantage qu'ils comptent bien utiliser. Hasard du calendrier, le 15 mai, après 30 ans de brouille entre l'URSS et la Chine, Pékin doit recevoir en grande pompe Mikhail Gorbatchev, l'homme de la perestroïka et de la glasnost. 2 jours avant son arrivée, les étudiants décident d'occuper la place Tiananmen de façon permanente, jour et nuit. Une centaine d'entre eux se mettent en grève de la faim, une action qu'ils justifient dans ce manifeste. Notre pays se trouve à un moment crucial. Les prix augmentent à la vitesse de la lumière. Les mandarins affairistes trafiquent sans vergogne. L'arbitraire du pouvoir pend comme une épée au-dessus de nos têtes. La corruption mine l'édifice de l'État. Des flots d'intellectuels franchissent les mers. La paix sociale est menacée. En cet instant de vie ou de mort pour la patrie, écoutez, compatriotes, notre cri déchirant. Cette patrie est notre patrie. ce peuple, notre peuple, ce gouvernement, notre gouvernement. Qui criera si nous ne crions pas? Qui agira si nous n'agissons pas? Le lendemain, 3000 jeunes gens arrêtent de s'alimenter. Et le 15 mai, sous le regard des centaines de correspondants étrangers venus pour l'occasion, Mikhail Gorbatchev atterrit en Chine. Mais le pouvoir est contraint d'annuler la visite de Tiananmen, et pour cause. La place est envahie par des centaines de milliers de Pékinois. Parmi eux, ce manifestant. Les étudiants vont la démocratie, mais ils vont faire des conversations avec le Premier ministre Lippon. Mais ils refusent de les rencontrer. Ils font la grève de la faim et ils veulent rencontrer le Premier ministre. Oui. Est-ce qu'ils ont peur de la police? Non, ils n'ont pas peur. Les étudiants, ils veulent la démocratie. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de la police? Oui, oui, pas peur. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Deux jours plus tard, la foule est encore plus dense. Un mois après le début du mouvement, 1 million de cœurs battent à l'unisson sur la place de Tiananmen. Dès le matin, l'avenue Chang'an est noire de monde. Dans les cortèges, on trouve des ouvriers sidérurgistes, des postiers, des électriciens, des paysans. Sur la place, les grévistes de la faim entendent les clameurs de la foule. Sur les images de reportage, on voit souvent des groupes de mères en larmes et inquiètes qui viennent embrasser leur enfant pris dans le tourbillon d'une révolution dont personne ne connaît la fin. En fin de journée, les dirigeants situés sur les hauteurs du Palais du Peuple peuvent apercevoir sur le monument des héros du peuple une gigantesque banderole rouge où l'on peut lire ces mots « Xi Jinping, démission, laisse le peuple prendre la présidence ». Le lendemain, l'histoire bascule. Le 18 mai, en fin de matinée, le Premier ministre Li Peng accepte de recevoir les représentants étudiants dans une salle du Palais du Peuple devant les caméras de la télé. Parmi les étudiants, il y a un jeune homme de 21 ans, Wang Kaixi, étudiant de l'école normale supérieure de Pékin. Au début du mouvement, il était l'un des porte-parole. Il est depuis 5 jours l'un des grévistes de la faim. Plusieurs fois hospitalisé, il a décidé de venir rencontrer le Premier ministre en pyjama. Affaibli, il garde pourtant l'esprit vif. Maniant autant l'image que les mots, Wang Kaixi répond sans retenue aux menaces à peine voilées de Li Peng, le Premier ministre. Deux questions préoccupent les étudiants. Nous les comprenons. Mais je refuse d'en parler aujourd'hui. Polémiquer là-dessus ici serait hors de propos et déraisonnable. Ce n'est pas nous qui polémiquons. Je ne devrais pas avoir à répéter ce que j'ai dit au début de la réunion. Mais vous ne comprenez rien. Il ne s'agit pas de nous convaincre, nous. Il s'agit de convaincre les étudiants de quitter la place. Il faut accepter leurs conditions. Si un seul des grévistes de la faim choisit de rester là-bas, nous ne pouvons garantir que des milliers d'autres partiront. En quelques mots, Wang Kaixi déshonore le Premier ministre. Cette humiliation télévisée a-t-elle accéléré l'histoire? Sans doute pas. Car le mouvement de Tiananmen a ébranlé jusqu'à l'équilibre du régime. Au sein du comité permanent du bureau politique, en effet, deux camps se font face. L'un est favorable à un retour à l'ordre rapide, par la force. L'autre souhaite la recherche d'une solution pacifique. La veille de la rencontre, Deng Xiaoping, chef suprême de la Chine, avait déjà tranché. Face à l'anarchie, il prône l'instauration de la loi martiale. Malmené et critiqué, le chef du parti communiste chinois, Cao Xiang, favorable à la négociation, refuse de devenir le chef du parti communiste qui aura mobilisé les troupes pour tirer sur les étudiants, comme il le racontera dans ses mémoires. Après une journée de réflexion, à la surprise générale, il décide de se rendre sur la place Tiananmen. Et c'est ainsi que le 19 mai, vers 4h du matin, le chef du parti communiste rencontre les grévistes de la faim. Le visage fermé, la voix hésitante, il cherche ses mots, et puis il se lance. Nous sommes venus trop tard, pardon, pardon, dit-il. Pendant de longues minutes, à l'aide d'un mégaphone, il reconnaît les problèmes évoqués par le mouvement, mais demande de la patience. Et puis il implore les étudiants de ne pas sacrifier leur vie. Vous en êtes à 5 ou 6 jours de jeûne, vous ne pouvez pas, on ne peut pas laisser cela continuer de cette façon, dit-il. Dans la journée, l'association autonome des étudiants décide de suspendre la grève de la faim. Malgré tout, quelques heures plus tard, Li Peng, favorable lui aussi à la force, prend la parole à la télé et annonce l'instauration de la loi martiale. Alors, la mécanique du massacre se met en place. Quand les yeux ont tout vu et tout subi, que même les dieux ont perdu de leur magie, quand les mots ne vous répondent plus, ou courbent le dos, un jour le bout de la rue vous mène là, à Tiananmen, à pas baisser les bras, seul face à soi-même, on se voit faire le pas de donner ses chaînes, parce qu'on n'a plus que ça. Peut-être que Tiananmen est plus près que ce qu'on croit, que nos guerres quotidiennes valent aussi la peine, mais on ne les voit pas. Quand les gestes fléchissent sous le plus fort, qu'il ne vous reste plus qu'à se rendre d'accord, quand plus rien n'est à perdre ou à prendre, ou ne vous retient, un jour la fin des méandres vous mène là, à Tiananmen, à pas baisser les bras, seul face à soi-même, on se voit faire le pas de donner ses chaînes, parce qu'on n'a plus que ça. Peut-être que Tiananmen est plus près que ce qu'on croit, que nos petits combats valent aussi la peine, mais on ne les voit pas. Parce qu'on a encore ça dans les veines, ou pas d'autre choix. Un jour le destin vous emmène à Tiananmen. Pékin, cité du silence. La capitale chinoise vit depuis ce matin repliée sur elle-même. Les informations ne passent plus guère. Les autorités chinoises, en effet, ont décrété la loi martiale. Ulysse Gosset, notre envoyé spécial, vient à l'instant de nous faire parvenir cette réaction d'un étudiant français qui se trouve place Tiananmen à Pékin. Pour l'instant, là-bas, tout paraît calme. Les menaces ne leur font pas peur. Au contraire, ils attendent l'armée. Ils ne veulent absolument pas se battre contre l'armée. Ils veulent établir un dialogue avec eux, ils veulent essayer de leur faire comprendre quel est le but de leur mouvement. Vous pensez que les étudiants iront jusqu'au bout ? Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout, ils ne céderont pas un pouce de terrain, rien du tout, et tant qu'il n'y aura pas un dialogue entre le gouvernement et les étudiants. L'annonce de l'instauration de la loi martiale n'éteint pas le printemps des étudiants. Après 35 jours de lutte, l'espoir est trop grand pour abandonner. Et la peur n'a pas sa place à Tiananmen. Le 20 mai, les 27e et 38e régiments se positionnent mais n'arrivent pas à atteindre le site. La foule encercle, bloque et puis interpelle les militaires. Munis d'eau et de nourriture, ils discutent, ils expliquent aux soldats les raisons de la mobilisation. Le 24 mai, l'armée rebrousse chemin. Sur la place Tiananmen et dans les quartiers de la ville, le temps semble comme suspendu. La fatigue et l'inquiétude désorganisent un peu le mouvement. Dans les journaux, comme dans les discussions des étudiants, le doute s'installe. Serait-ce la fin ? Non, la fougue revient. Le 29 mai, une statue fait son apparition sur la place. Haute de 10 mètres, faite de polystyrène et de plâtre, elle représente une femme, le visage fin, les yeux bridés. Elle porte dans ses deux mains une torche. On la nomme déesse de la démocratie, cousine éloignée de la statue de la liberté. L'imagination des étudiants des Beaux-Arts redonne du souffle aux manifestants. Et de nouveau, des cortèges arrivent, des slogans se font entendre. Pourtant, le pouvoir n'a pas abandonné sa volonté de mettre fin au mouvement. Le 1er juin, des rumeurs annoncent l'arrivée, le stationnement de régiments d'élite. Durant la nuit, des militaires en civil tentent une percée sur la place, mais une nouvelle fois, ils sont repoussés par la population. Le 2 juin, sur la place, des étudiants arrêtent de nouveau de s'alimenter, publient un manifeste qui se conclut par ces mots. Nous n'avons pas d'ennemis. N'empoisonnez pas notre sagesse et la démocratisation de la Chine par la haine et la violence. Nous ne cherchons pas la mort. Nous sommes en quête de la vraie vie. Le lendemain, les indices d'une invasion se font plus nombreux. Alors, en quelques heures, le centre de Pékin plonge dans une situation insurrectionnelle. Ici, des barricades pour stopper toute approche. Là, des bus postés au milieu de la route. En fin de journée, les chemises en sang, des manifestants à bout de souffle annoncent qu'à Mushudi, un quartier de Pékin, les soldats auraient tiré. Première parole, premier visage apeuré. Et puis, au loin, on entend s'approcher des craquements sourds de tirs de fusil et le crépitement sec de mitraillettes. Au loin, leurs casques reflètent la lumière des néons, des tricycles transportant des corps ensanglantés des devances. À mesure que les soldats progressent, le peuple des barricades se veut plus dense et hurlant « Toufei, Toufei, assassin, assassin ». Ces mots accompagnent les courageux qui tentent de s'opposer à eux. Aux abords de la place Tiananmen, l'assaut débute peu après minuit. D'est ou d'ouest, des centaines de camions débarquent. De chaque côté de la place, les soldats se mettent en position et s'avancent vers le centre. Des intellectuels tentent de discuter et de trouver une évacuation pacifique, mais rien n'y fait. Vers 4h du matin, toutes les lumières s'éteignent. Un silence, et puis l'assaut. Les balles déchirent le voile, les fumées des lacrymogènes, les gens tous crient, puis meurent, adossés aux marches du palais du peuple. Ils ont 20 ans, à peine plus. Certains ont un bandeau rouge autour du front, d'autres ont leur carte d'étudiant autour du cou. Ils sont morts, assassinés ce 4 juin, à quelques mètres du monument des héros du peuple. Après le sifflement des balles, c'est le grondement des chars qui annonce le dernier acte du massacre. Bloqués de toutes parts, des dizaines d'étudiants périssent sous les chenilles des blindés. Après l'extinction des dernières vies, les soldats mettent le feu aux tentes, détruisent les banderoles et les affiches, ainsi que la statue de la déesse de la démocratie. Oui, tout doit disparaître, les vestiges de la lutte ainsi que les corps emmenés, on ne sait où. Aux abords de Tiananmen, désormais aux mains du pouvoir, les combats se poursuivent. Vers 6h du matin, au carrefour Liubuku, à quelques mètres du siège du parti, trois chars prennent en chasse un groupe de manifestants. Ils lancent des lacrymogènes et foncent sur la foule. Après leur passage, sur le sol, on découvre des dizaines de corps entremêlés à la ferraille de vélo. Ce sont les autres images de Tiananmen, celles du 4 juin, celles de corps détruits, mutilés par les tanks, qu'on verra dans quelques-uns de nos journaux, mais que notre mémoire a préféré éloigner. Ce 4 juin, Chai Ning a pu s'en sortir, mais depuis cette nuit hante ses souvenirs, à jamais probablement. Je suis encore vivante. Et c'est mon devoir de dire la vérité à tous mes compatriotes chinois. Le temps était venu pour nous de mourir pour notre pays. Il y avait cet étudiant qui s'appelait Wang Li. Il avait seulement 15 ans. Il a écrit ses derniers vœux. J'ai oublié les mots exacts qu'il a écrits. Mais je me souviens qu'il a dit « La vie est étrange. La différence entre la vie et la mort, c'est une fraction de seconde. Si vous voyez un insecte ramper vers vous et que vous pensez le tuer, l'insecte va cesser immédiatement de ramper vers vous. Il n'avait que 15 ans. Et déjà, il pensait à la mort. Peuple de la République de Chine, vous ne devez pas oublier ces enfants qui se sont battus pour vous. Les chars nous ont chargés et ont tiré des gaz lacrymogènes sur les étudiants. Et les chars nous ont écrasés. Ils ont roulé sur les têtes et les jambes des étudiants. Aucun de nos camarades de classe n'avait un corps intact. Après le massacre, le gouvernement poursuit la répression par les armes, mais aussi par le droit. Chai Ling était parmi les 21 personnes de mouvement les plus recherchées par le gouvernement. Wan Dang, lui, était tout en haut de la liste. Début juillet, il est arrêté et jeté en prison pendant presque 5 ans. D'autres ont plus de chance. Chai Ling, comme Wer Kachi, arrive à quitter le pays. Depuis ces jours de juin 1989, la répression ne s'est jamais relâchée. En juillet 2017, on apprenait la mort en captivité du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo. Professeur à l'université, il s'était mis en grève de la faim avec les étudiants de Tiananmen. Militant des droits de l'homme, il avait été arrêté à la suite d'un manifeste critique contre le régime. En 2002, il avait écrit un poème intitulé « Le 4 juin, un tombeau » où il disait « Si dans l'oubli et la terreur, ce jour-là a été enterré, dans la mémoire et le courage, il vit éternellement. C'est une pierre immortelle et les pierres peuvent crier. » Descendants of a hundred flowers, and their fight it did begin with the aging Mandarin, and they fought with an extraordinary power. Everyone was smiling, their hearts were warm. Tiananmen Square. But it seems that the spring this year in Beijing came just before the fall. There was no summer at all in Tiananmen Square. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Tiananmen 89 avec notre invité Pierre Aski. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez vous. Merci. Je rappelle que vous nous éclairez de vos lumières géopolitiques tous les jours sur cette antenne à 8h15. En 2000, en l'an 2000, le journal Libération auquel vous collaboriez, vous étiez journaliste chez Libé à cette époque, vous envoie à Pékin comme correspondant. Vous y restez 5 ans et vous y tenez un blog, Mon Journal de Chine. L'accès à ce blog finit par être bloqué par les autorités en raison de la liberté. C'est ton qui adopte, et vous le prolongerez avec un livre intitulé « 5 ans en Chine ». Nous venons de raconter l'histoire de Tiananmen, et nous avons cité pour terminer ce récit des vers de Liu Xiaobo. Bravo. On prononce comme ça, merci. Vous le connaissez bien, et pour cause, vous avez noué avec lui des relations proches, amicales, humaines, et vous lui avez consacré donc un livre intitulé « Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin chez Arte Édition en 2000 là, et ça a donné lieu aussi à un documentaire qui porte le même nom et qu'on peut revoir en replay sur Arte jusqu'au 3 juillet. Absolument. Voilà, donc on va nous aussi et au préalable entrer dans l'univers de l'histoire de cet homme et donc de la Chine contemporaine. Racontez-nous s'il vous plaît son histoire et votre rencontre. Liu Xiaobo, en fait, c'est un homme qui a changé la nuit du 3 au 4 juin 1989. Jusque-là, il était un intellectuel flamboyant. Il appartient à la première génération qui est entrée à l'université après la Révolution culturelle. Il faut savoir que pendant 10 ans, les écoles ont été fermées, les universités ont été fermées. Il avait 11 ans au début de la Révolution culturelle. Il n'a jamais été à l'école. Les écoles étaient fermées. Et il est totalement autodidacte. Et lorsque les universités rouvrent, il est peintre en bâtiment et il se présente et il est admis à la fac de lettres. Donc, et quand il arrive dans la capitale, il devient la star des intellectuels. Il fait une sortie en 1986 extraordinaire où il est dans un colloque consacré à la littérature post-Mao. Et il y avait le ministre de la Culture, etc. Et il fait une intervention, il était le plus jeune, il prend la parole et il dit « La littérature contemporaine, tout comme la culture ancienne, sont un tas de détritus. » Et ça a fait un bombe. Coup d'éclat, une bombe dans Pékin. Et tout d'un coup, comme le racontent des témoins dans le film, les gens se pressent dans les amphithéâtres. Enfin bref, il devient la vraie star. Il part à l'étranger et il veut faire le tour du monde, il veut se former, découvrir le monde, etc. Au moment, et il est à New York quand Tiananmen commence. Donc il n'est pas là. Oui. Et il voit ça à la télévision, il est fasciné, il comprend qu'il se passe quelque chose, il rentre. Et à ce moment-là, il se plonge littéralement dans ce qui se passe dans la place et il devient non pas le dirigeant de Tiananmen, parce que c'était un mouvement étudiant. Les dirigeants étaient des étudiants. Mmh. Wang Dan, Wu Erkaisi, Chai Ling, qu'on a entendu dans le sujet tout à l'heure, ce sont les vrais leaders ont 20 ans. Mais il devient, comme le dit Wu Erkaisi dans le film, il devient le mentor. Ils avaient besoin de quelqu'un, il a 10 ans de plus qu'eux, mais il est professeur. Et donc il est le conseiller, le mentor, mais de temps en temps, il les engueule. Il y a une scène qui a été filmée où il prend un mégaphone et il leur dit « Écoutez, vous voulez remplacer la dictature du parti par la dictature des étudiants. Vous savez pas ce que c'est que la démocratie. Apprenez d'abord ce que c'est que la démocratie parce qu'on n'aura rien gagné si une dictature des étudiants s'instaure. » Et vous voyez, il joue ce rôle. Quoi, donc, il est le mentor. Il n'est pas l'incarnation parce que c'est les étudiants. L'incarnation, finalement, c'est l'étudiant devant le char. Hein. L'incarnation iconique, l'image. Oui, et les dirigeants, on les connaît. Ils ont des noms. Ils sont Et arrive le moment de la confrontation inévitable. 2 jours avant, il sait que ça va mal se terminer. Et avec 3 autres personnalités, ils font une grève de la faim. Et pour demander la non-violence au pouvoir et aux étudiants. Ouais. On connaît la suite. Mais ça a été le moment où il quitte son rôle de l'ombre et il devient acteur. Et pendant la nuit... ces 4 hommes qu'on appelait à l'époque les 4 gentlemen, parce qu'ils avaient pris ce rôle un peu avec panache. Ils vont négocier avec les soldats parce qu'il y avait un réduit sur la place et le massacre aurait été encore plus grand. Tous les étudiants qui étaient sur la place auraient été massacrés. Ils vont négocier un sauf-conduit, un passage, l'ouverture d'un couloir pour permettre l'évacuation des étudiants. Et comme les tirs, on tire de partout, ils prennent un drapeau blanc, ils avancent vers l'armée et l'un des quatre est un chanteur assez connu et il avance en criant « Je suis Hu Tetien, Hu Tetien » et les soldats connaissent ce chanteur et donc ils ne lui tirent pas dessus. Voilà, ça fait partie, ce sont les anecdotes qui créent les légendes. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il a évité ce soir-là un massacre beaucoup plus important. Le problème, c'est que il y a eu des centaines de morts, peut-être des milliers, on ne saura jamais. Et c'est un traumatisme terrible pour sa génération, pour cette génération qui a vécu cet événement. Et lui, personnellement, en conçoit une culpabilité énorme. Et c'est ça qui est le plus étrange, c'est que voilà, il se reproche d'être vivant quand tous les autres sont morts. Ouais. Et il décide deux choses. Un, de rester dans le pays quand plusieurs des dirigeants partent à l'étranger. Lui, il décide de rester pour rester avec ce qu'il appelle les âmes errantes du 4 juin. Et la deuxième chose, c'est se battre pour leur mémoire et pour la cause pour laquelle ils sont morts. Alors à travers des anecdotes, vous dites, ça fait la grande histoire, mais à travers aussi l'itinéraire de certaines personnes, on peut résumer l'histoire d'un pays. Dès le début d'ailleurs, vous faites un parallèle entre Liu Xiaobo et Xi Jinping, on dit comme ça? Oui, Xi Jinping, le président. Jinping, voilà, numéro un du parti de l'État chinois. Donc deux histoires parallèles, deux destins qui vont s'opposer. Ces deux vies, à quel moment, pour quelles raisons se séparent-elles et divergent-elles pour se retrouver à l'opposé? Genre, comme deux histoires métaphoriques d'une Chine qui s'ouvre économiquement mais qui reste répressive. En fait, ces deux hommes ont deux ans de différence. Ils appartiennent à la même génération. En plus, juste deux ans. Et ils sont dans deux familles. Ils naissent dans deux familles qui sont toutes les deux profondément communistes, à des niveaux sociaux très différents, puisque Xi Jinping, son père était un des dirigeants du parti, était un proche de Mao. Le père de Liu Xiaobo était professeur dans le nord-est du pays. Donc, on n'est pas dans le même milieu. Mais ce sont deux familles qui seront persécutées pendant la révolution culturelle. Donc les deux familles sont envoyées à la campagne, ils ont la même enfance. Oui. C'est ça qui est incroyable. Ils sont la même génération, ils ont la même enfance. Et ensuite, leur chemin diverge. Il y en a un qui devient intellectuel, puis dissident, contestataire, et qui ne se calmera jamais de cette agitation intellectuelle et de cette rage de faire changer la Chine. Et l'autre deviendra au contraire un apparatchik. Il commencera au bas de l'échelle et il gravira les échelons les uns après les autres pour devenir numéro un. Leur chemin se croise en fait de manière tragique. C'est que lorsque Xi Jinping devient numéro un en 2012, Liu Xiaobo est déjà en prison. Il a été arrêté en 2008 pour avoir fait un texte, un manifeste signé par des centaines d'intellectuels qui s'appelle la Charte 08 et qui réclame la démocratie. Il a été condamné à 11 années de prison. En 2010, il a le prix Nobel de la paix. Et en 2012, donc, Xi Jinping arrive comme président. Et pour donner une anecdote qui résume quand même l'état d'esprit. En 2012, lorsqu'il devient président, je discute avec un diplomate chinois et qui me dit « Oui, on a une mauvaise image, etc. » Je lui dis « Mais il y a un moyen très simple de changer votre image. Pourquoi est-ce que votre nouveau président, son premier geste, la démocratie, déclare la grâce de Liu Xiaobo, du prix Nobel de la paix. Oui. C'était une honte d'avoir un prix Nobel de la paix en prison. Et il me dit « Vous n'y pensez pas, ça serait interprété comme un signe de faiblesse. » Et c'est ça la clé de cette histoire. C'est que Le Tiananmen, c'est le croisement entre deux voies pour la Chine. D'un côté, la réforme et éventuellement la démocratie. En tout cas, c'est ce que souhaitaient les étudiants et une partie de la direction du Parti communiste chinois, incarnée par le secrétaire général Zhao Ziyang. Et l'autre côté, l'orthodoxie, le maintien du pouvoir exclusif du Parti communiste, incarné par le premier ministre Li Peng. Et on en est toujours là aujourd'hui. Oui. Ceux qui ont gagné le 4 juin 89, ils sont au pouvoir aujourd'hui et ils ne veulent plus entendre parler de l'autre voie. Alors, dans cet ordre d'idées, l'histoire de la Chine à ce moment-là croise celle de Gorbatchev. et de la Russie. Il y a un modèle Gorbatchev, lui, il libéralise, tente de libéraliser le régime, mais veut garder la même économie. C'est le contraire de la Chine, Deng Xiaoping, qui lui libéralise l'économie tout en gardant un pouvoir totalitaire. Oui, en fait, Gorbatchev c'est l'antithèse de ce que fait la Chine. Et en particulier, Deng Xiaoping, au début des années 80, refuse... Il y avait eu une première vague de contestation et de dissidence à l'époque avec un homme qui s'appelle Wei Qingcheng, qui vit maintenant aux États-Unis, et qui avait réclamé la cinquième modernisation. Vous avez fait allusion tout à l'heure dans le sujet aux quatre modernisations de Deng Xiaoping, et Wei Qingcheng dit, mais il en manque une cinquième, la démocratie. Oui. Et c'est ce que fait Gorbatchev. Et lorsqu'il vient à Pékin, en plein drame de Tiananmen, la confrontation, les étudiants occupent la place, au point qu'on est obligé d'annuler la cérémonie d'accueil qui, normalement, pour les dignitaires étrangers, se situe sur la place Tiananmen. C'est là qu'il y a le passage en revue des troupes, sans un coup de canon, etc. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et Deng Xiaoping, quelques jours avant, convoque le secrétaire général du parti en disant « Je veux que la place soit libre quand Gorbatchev arrive, autrement on perd la face, notre image internationale est ruinée. » D'où la répression. Et il n'arrive pas, Zhao Ziyang, à évacuer la place, et à convaincre les étudiants d'évacuer, ne serait-ce que le temps de la visite de Gorbatchev. Et en fait, il a perdu son pouvoir ce jour-là, Zhao Ziyang, parce que tout le monde sait à l'époque qu'il a une sorte de rêve d'être le Gorbatchev chinois. Mmh. Et en s'appuyant sur un vaste mouvement populaire qui réclame ses réformes. Et en fait, c'est ça qu'a décidé Deng Xiaoping, c'est qu'il ne voulait pas en Chine une voie à la Gorbatchev. Et au-delà de ça, donc, ne pas perdre la face, on l'a dit, ça c'est très important. Est-ce que la répression des étudiants est une sorte de vengeance aussi? C'est terrible, je pense que pouvoir contre son peuple, c'est terrible. Non, mais... je pense pas que le concept de la vengeance soit adapté. Je pense que c'est une sorte de structure mentale de Deng Xiaoping a souffert pendant la révolution culturelle. Son fils a même été défenestré. Son fils est aujourd'hui encore sur une chaise roulante. Deng Pufan, qui est député en Chine, il est sur une chaise roulante depuis la révolution culturelle. Et il a en tête l'idée que les étudiants sont une force de chaos et que la Chine a besoin d'ordre et de stabilité. Le mot clé du régime chinois, c'est la stabilité. Et donc il n'essaye pas de comprendre au-delà. C'est un homme très âgé déjà, et il est soumis à des influences diverses, puisque il y a d'un côté le secrétaire général du parti, de l'autre le premier ministre, qui viennent chacun avec leurs arguments pour essayer de le convaincre, puisque c'est lui l'arbitre. Et à la fin, il arbitre dans le sens de la force. Alors, dans la précédente diffusion de ce récit, c'était le 8 septembre 2017, nous avons joint au téléphone Chai Chung-guo. Alors, c'était un étudiant lors des événements de 89 en Chine. Il les a vécus d'abord en province, puis il s'est rendu à Pékin, au plus fort des manifestations. Aujourd'hui, il va à Hong Kong, où nous l'avons joint. Et je lui posais la question suivante. Quand vous êtes arrivé à Pékin, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous ressenti? Et vous verrez, Pieraski, dans sa réponse, il y a un mot clé, c'est le mot peur. C'était vraiment inoubliable. D'abord, cet enthousiasme des étudiants et leur détermination. Et puis, tout le monde n'a pas peur. On l'a vraiment déterminé contre la loi martiale, contre le premier ministre Li Peng et contre Deng Xiaoping lui-même. À la veille, on pensait que Deng Xiaoping était réformateur, on en comptait quand même sur lui, il a été tombé par les autres dirigeants, mais à partir de ce jour-là, on a commencé vraiment à viser sur Deng Xiaoping. Et puis l'autre chose vraiment impressionnante, c'était mobilisation générale de toute la population. Les Pékinois appellent leurs voisins, descendez-vous, on va au place Tiananmen, on va bloquer la route parce que le char de l'armée va vont écraser nos enfants. Vous saviez évidemment que c'était dangereux, mais la peur n'existait pas. Vous étiez d'abord et avant tout motivé par un idéal démocratique. C'est que pas comme aujourd'hui. À l'époque, on croyait pas que l'armée osait tirer sur la population. Après, 1949, sous le Mao, pratiquement tous les jours, l'armée de libération du peuple, c'est une armée du peuple, aimée par le peuple. On croyait ça, donc on n'avait pas peur, parce qu'on ne croyait pas l'armée oser tirer sur la population, sur nous. Mmh. Et le mot peur est le mot-clé du discours de ce Chinois sur le mode « Nous n'avions pas peur, parce que nous ne pouvions pas penser un seul instant que l'armée du peuple allait tirer sur son peuple. » Mais c'est tout à fait exact ce que dit Tsai Chong-guo, que je connais bien, et qui les gens ne pouvaient pas imaginer, c'était impensable. Ça montre à quel point d'ailleurs ils étaient encore sous l'emprise idéologique du parti, que l'armée ne pouvait pas tirer sur le peuple. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on allait trouver un compromis, trouver un terrain d'entente. Et donc le choc du 4 juin a été encore plus fort, parce que c'est pas simplement la répression, c'est aussi la fin d'une illusion complète sur la nature du système. On n'a toujours pas le droit d'évoquer Tiananmen en Chine. Non, c'est impossible. Alors, il y a un endroit en Chine où c'est possible, c'est Hong Kong, qui a un système d'autonomie à l'intérieur de la République populaire. D'où le discours de notre correspondant tout à l'heure. Qui a été signé pour 50 ans par Deng Xiaoping et Margaret Thatcher à l'époque. Et il y avait plus de 100 000 personnes à faire une veillée il y a 48 heures pour honorer les victimes de Tiananmen. C'est très fort parce que ça fait partie maintenant de l'identité de Hong Kong. La manière dont les Hongkongais se distinguent du reste de la Chine, c'est parce qu'ils peuvent commémorer Tiananmen. Et c'est très fort. Et le personnage de Liu Xiaobo est central dans cette commémoration. Il y a un buste sur la tribune. C'est quelque chose de ce qui est devenu un geste culturel de commémorer Tiananmen. On a envie de savoir après où va la Chine aujourd'hui, politiquement, économiquement, stratégiquement, sa place dans le monde, quoi. Où en est la Chine aujourd'hui, Pieraski? Elle est un moment un peu particulier parce qu'elle est elle était sur une phase ascendante très rapide. La croissance chinoise a été époustouflante. Jusqu'à la surchauffe. Avec des moments de surchauffe, mais on a eu des périodes de croissance à deux chiffres, 13-14% de croissance. C'est insensé. Le résultat aussi de la politique de Deng Xiaoping quand il a lancé ce slogan « Enrichissez-vous », et 30 ans après, on a plusieurs centaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. C'est quand même pas négligeable. Et c'est ce contrat social-là qui explique que le deal entre la population et le parti tienne. C'est-à-dire que... Et voilà, oui, parce que ça fait quand même depuis 89, 30 les ans. Les gens ont quelque chose à perdre. Et voilà, ils ont une vie plus confortable, plus d'assurance pour leurs enfants, etc. Même si les choses ne sont pas simples socialement en Chine. Mais avec Xi Jinping, elle a changé de vitesse et de calibre. Et elle s'est prise peut-être un peu trop vite pour la première puissance mondiale. Et aujourd'hui, elle se heurte à un front de résistance, le mot est peut-être un peu fort, mais un front du refus d'une éventuelle hégémonie chinoise, que ce soit dans les pays d'Asie vivent à l'ombre d'un géant absolu, ou évidemment sur le plan international, on le voit avec la guerre commerciale que lui mène Donald Trump, et en particulier sur le plan de la technologie, qui est le nerf de la guerre du XXIe siècle. Mais même les Européens partagent une partie des doléances vis-à-vis de la Chine, même s'ils ne partagent pas l'approche très guerre froide qu'a choisi Donald Trump. Donc il y a aujourd'hui un moment un peu complexe pour la Chine, où elle va devoir gérer sa c'est un peu l'éléphant dans le jeu dans le magasin de porcelaine. Est-ce qu'il va être capable de manœuvrer au sein de ce magasin sans tout casser? D'accord. C'est une image. Ouais. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. Mais clair. Non, c'est bien. Mais qui, je pense, montre bien. Il y a un changement de modèle économique. Il y a un changement de place et de taille de la Chine dans le monde. Qui fait qu'aujourd'hui, elle ne peut plus se permettre autant de peut-être d'hésitation et d'errance qu'à certaines époques. Et Xi Jinping a fait un gros pari qui n'est pas encore gagné. Merci infiniment, Pieraski. Je rappelle le titre de votre livre, Lieu Xiaobo. Xiaobo, on prononce ça. Hein. Le X, en l'occurrence, comme deux S. Voilà. Donc, lié Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. Vous connaissez déjà le thème de votre chronique demain? De quoi vous nous parlez? Alors, je vais parler de Xi Jinping et de sa rencontre avec Poutine hier à Moscou, pendant que les Occidentaux célèbrent le débarquement. Donc, on est là dans la polarisation du monde entre deux blocs, d'une certaine manière. Eh bien, demain, 8h15. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Tiananmen, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui. D'ailleurs, puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Guillaume Malandras, Gaspard Valu, Adrien Mora et Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Hélène Bizio. Et Koy Nguyen, comédien, lecture David Prévost, Marianne Thierry. À suivre, Antoine de Caunes. Pop. Bonjour Antoine, au programme bonjour aujourd'hui. Bonjour Fabrice, on va parler d'un grand livre qui s'appelle L'Empreinte avec son auteur Alex Marzano-Lesnevich. Mmh. Et puis on aura aussi du rock, du glam rock avec les Struts. Du glam rock. Ah ouais, ça va chauffer très fort. Tout à l'heure.